Thank you. Thank you. façon. Je ne sais plus bien quoi chanter. Alors je demande à mon ami Lévidos. Allez Lévidos, fous-moi les balles, s'il te plaît. C'était mieux. Oui, mais ça c'était avant. Ouais, mais j'arrive pas. J'avais fait un réglage, j'ai fait comme toi, j'ai touché un truc sur l'inter, il fallait pas. Je comprends pas ce qui se passe. Là, je comprends vraiment pas ce qui se passe, hein. Je suis vraiment. Factory Preset. Je ne comprends plus ce qui se passe autour de moi. Je ne comprends plus ce qui se passe autour de moi. Je ne sais plus. Je ne sais plus où je vais. J'avais pris cet effet, me semble. Mais c'est bizarre, j'ai une voix de voix comme ça. Factory. Alors, est-ce qu'on entend la batterie? En train la basse, parce que j'ai tout touché. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Et je vais partir à 32-1. Oui. You take myself, you take my self-control. Ok, chef. Non, mais les soirs comme ça, j'ai tout touché, moi. Je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais bien fait me toucher le... N'importe quoi, je suis en train de marquer BPM 16. Ok. Ton parfum à chaque fois. Ah, ça sent bon. J'aime bien. Ça va te donner des idées pour les chansons et tout. Ah ouais, mais... Ça motive tout de suite. Ouais. Non, mais en fait, là, j'ai tout touché à l'ordinateur. J'aurais mieux fait de me gratter le cul, comme on dit gentiment. Ah mince, j'avais le micro. Alors, vous avez le bonjour des musiciens du monde entier. Enfin, c'est plutôt la France. Là. Mais là, ils t'entendent. Enfin, sauf si tu parles pas. Allez, salut! Bye! Bonsoir. Oui, je lui dis bonsoir. Mais quoi, ça marche plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, hey, hey! Bizarre ça. Intac. Pourtant, j'ai pas fait de bêtises. Master Tender. Huh?